que m'ont perdu dans la nuit. Non. Quelques mots qui collent au cœur de la nuit, mais la nuit non. Quelques mots dans la nuit. C'est quoi les paroles? Je peux boucler le truc si tu veux. We'll be right back. version moderne. Déjà c'était. J'étais voir la compète de Lourdes et bien sûr qui c'est qui a gagné? Un Américain! Viens boire un petit canon, je te dis, viens boire un petit canon. Marche plus mon bender. il est en panne, en fait, genre, il est cassé. Je sais pas ce qui s'est passé devant la première. Thank you. passe avec tes shorts. Imagine les mecs qui coupent sur les potes. C'est quoi ce gros bruit?